histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous revivions le kidnapping de Patricia Hearst. Patricia Hearst est la fille d'un riche homme d'affaires, propriétaire du groupe de médias Hearst Corporation. Elle a 19 ans en 1974, quand elle est enlevée par l'armée de libération symbionnaise, groupe terroriste d'extrême gauche, dans son appartement chic du campus de l'université de Berkeley, où elle vit avec son fiancé. En guise de rançon, l'ALS réclame que le père de Patricia distribue pour 70 dollars de vivres à chaque démuni de Californie, soit un total de 6 millions de dollars. L'affaire fait les gros titres de la presse internationale et se complique lorsque Patricia Hearst va passer dans le camp de ses kidnappeurs. Patricia Hearst a été arrêtée à San Francisco. Septembre 1975. C'est donc le dénouement. Patricia Hearst, et je vous le rappelle, accusée de vol à main armée à la suite du hold-up d'une banque à San Francisco, 2 mois après seulement son enlèvement. Qu'est-ce qui a bien pu vous faire vous intéresser à Patricia Hearst? D'abord, c'est une vieille histoire. Il convient de faire un vaste retour en arrière. Patricia est la fille de Randolph Hearst, l'un des magnats de la presse américaine, multimillionnaire en dollars. Avant son enlèvement en février 1974, c'était une jeune fille bien sage qui n'était sortie du cercle familial de San Francisco que pour se fiancer à un garçon bien effacé qui a été par la suite très longtemps sceptique à propos du ralliement de Patricia à la trop fameuse armée symbionnaise de libération. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? L'armée de libération symbionnaise avait, dans un premier temps, fait chanter ses parents et les avait contraints à distribuer pour plusieurs centaines de milliers de dollars de vivres dans les quartiers pauvres de San Francisco. Patricia Hearst, épisode 2, Caniche et mitraillette, par Pauline Mocor et Véronique Samuilov. La rencontre avec Patricia, c'est d'abord une image. Jean-Marc Flao. L'image du Polaroid qui est faite par l'armée de libération symbionnaise et qui est après envoyée à la famille et aux médias. Qui est cette image où on la voit avec un béret et le fusil mitrailleur. Et pourquoi elle vise avec cette arme et qui est cette jeune femme? Pour moi, c'est la parole d'une adolescente. Lola Lafont. À qui on ment finalement parce que non, son manoir de 22 pièces, c'est pas la norme. Et qui va être frappé en plein cœur par la misère qui règne en Californie. Et ça va la faire briller. Elle est habillée en tenue un peu militaire, il me semble, avec un pantalon kaki, un peu de d'armée. Est-ce qu'elle aurait pas un béret sur la tête? C'est possible. Patti Smith lui a consacré une chanson, l'intro de Hey Joe. Madonna s'est déguisée en Patricia Hearst pour un album. J'ai lu toute la presse de l'époque sur elle à l'époque. Les éditorialistes se demandent mais qu'est-ce qu'elle est allée faire avec des marxistes complètement barrés alors qu'elle avait un manoir de 22 pièces. Et elle a l'air en mouvement. On dirait qu'elle tient vraiment l'arme dans la main, elle regarde sur le côté, elle a l'air comme si elle allait passer à l'acte. Delphine Hamon. Sauf qu'en fait elle pose parce qu'il me semble bien que c'est une mise en scène de la SLA en fait. Pour eux c'était un coup de pub en fait de montrer que cette personne dont on avait tant parlé dans la presse depuis quelques années s'était ralliée à leur cause. La SLA, c'est un groupe de jeunes gens qui se sont rencontrés dans différentes luttes anticarcérales, antiracistes, sur les luttes étudiantes, et qui vont peu à peu dériver et qui vont se retrouver dans le fichier des terroristes projetant d'attenter à la sécurité de l'État américain. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des fils et des filles de la moyenne bourgeoisie américaine. Ce sont des étudiants. Et l'idée d'enlever Patricia Hearst, c'est pour faire un coup d'éclat. Et qu'est-ce que ça veut dire, SLA ? C'est complètement incompréhensible. C'est l'armée de libération symbionaise. Et oui, c'est eux qui l'ont inventé. Et leurs textes sont vraiment, vraiment illisibles. On ne comprend pas, en fait. Je la trouve belle, oui. Oui, oui, elle est un visage fin, délicat. Elle a l'air intelligente. Elle a l'air convaincue, en tout cas. Oui. d'assumer ses prises de position, ses choix, sa liberté. Oui, je trouve que ça rend une femme belle. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir si cette image dit la vérité, si c'est un ange ou un démon, si elle fait peur ou si elle est plutôt séduisante, ou si finalement, avec un peu plus de recul, elle est coupable ou innocente, victime ou adhérent de manière volontaire aux idéaux de ses ravisseurs. Ce qui m'intéresse plus, c'est en quoi cette image-là, comment elle peut modifier nos représentations. Personne ne la croyait dans les médias, tout le monde clamait lavage de cerveau, personne ne voulait entendre sa parole et elle l'a fait quand même, elle l'a fait jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. Elle a réussi à s'ouvrir à une autre pensée, alors que ces gens l'avaient quand même kidnappée. Et elle a réussi à être convaincue par leurs idées, qui étaient quand même bonnes à l'origine. Elle a complètement dévié du chemin qui l'attendait, en quelque sorte. Là, moi, j'ai l'article de Paris Match, donc sur son mariage. Il date de 1979. Et ouais, elle est en photo. Effectivement, avec sa robe de mariée, la double page, c'est son père qui est en train d'enfiler la jarretière au pied de sa fille, dont on découvre la jambe, avec sa robe de mariée blanche, en train de se préparer. Greetings to the people. This is Tanya. Salut au peuple, c'est moi Tanya. Cassette enregistrée par Patricia Hearst, 1974. On April 15th, my comrades and I expropriated $10,660. Le 15 avril, mes camarades et moi avons détourné $10,660 et 2 centimes de la banque Hibernia. Les blessés auraient pu être évités si les personnes en présence avaient coopéré avec les camarades armés et s'ils s'étaient tenus à l'écart jusqu'à notre départ. J'étais positionnée pour retenir les clients et les agents de la banque au sol. Mon fusil était chargé et à aucun moment les camarades ne m'ont visé avec leurs armes. Si on examine avec attention les photos qui ont été publiées, elles prouvent que c'est la vérité. Notre action du 15 avril a forcé l'État libéral à financer la révolution. Pendant le procès, les images ont été examinées par des experts. Ils se sont tous contredits parce que certains disaient « Mais regardez, elle est tenue en joue, donc elle ne peut pas bouger. » Et des experts d'armes ont dit « Mais non, mais pas du tout. C'est clair qu'elle agit de son plein gré et que si elle avait voulu, elle aurait retourné l'arme vers eux, etc. » Donc encore une fois, c'est le flou total. On ne peut rien en tirer de ces images. As for my ex-fiancé, I don't care if I ever see him again. Au sujet de mon ex-fiancé, ça m'est complètement égal de ne pas le revoir. Ces derniers mois, Steven s'est révélé être un porc sexiste. Et finalement, ça ne change pas de ce qu'il a toujours été. Il y a un moment donné où elle s'adresse à son fiancé quand même, devant toute l'Amérique. Elle dit, toi je m'en fiche de jamais te revoir. Toi qui me traites d'imbécile, parce qu'il a quand même supposé devant toute l'Amérique qu'elle n'était pas politisée et très bête. Avec une voix vraiment assurée, elle dit « Tu n'es qu'un porc sexiste, quoi. » C'est quand même assez phénoménal, à 20 ans. For those people who still believe that I'm brainwashed or dead, I see no reason to further defend my position. Aux personnes qui disent toujours que j'ai subi un lavage de cerveau ou que je suis morte, je ne vois aucune raison de défendre plus longtemps ma position. Je suis un soldat de l'armée du peuple. Patria o muerte, venceremos. On m'a demandé des fois si ça avait été Patrick au lieu de Patricia, est-ce que c'était la même histoire? Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette interprétation, si une fille s'engage, elle est sous influence du leader, elle est tombée amoureuse d'un gars qui l'a influencée. C'est toujours lié à la pensée d'un homme. Personne à l'époque n'a été en mesure de dire « Eh ben oui, elle a lu des livres, elle a pensé, elle a changé d'avis, ou même si elle se trompe. » C'est-à-dire que quand vraiment on se rend compte qu'une fille a pu par elle-même faire un choix, elle est d'autant plus monstrueuse. La manière dont Patricia Hearst a été saisie par les médias, il y a une première phase au moment de l'enlèvement, elle est tout de suite dans un statut de victime. Fanny Bunion, historienne. Et puis, par la suite, quand elle va être identifiée sur des images de vidéosurveillance comme participant de manière active à un braquage, là, elle va avoir un statut d'une victime dont on aurait lavé le cerveau, en quelque sorte. En plus, ses parents diffusent des photos d'elle où elle apparaît comme correspondant tout à fait au canon de la beauté de l'époque. Donc, elle est dans l'archétype de la victime idéale. Et puis, ensuite, quand quelques mois plus tard, on va la voir avec une mitraillette à la main participer à un braquage de banque, eh bien là, elle apparaît comme étant devenue une révolutionnaire au regard de ses parents qui ne disent ne pas reconnaître leur fille, une fille dénaturée par une organisation politique qui la séquestre. Là, on retrouve des types de discours que moi j'ai pu observer pour des militantes d'autres organisations révolutionnaires armées qui ont sévi notamment en Europe, où ces filles de bonne famille, en quelque sorte, eh bien, interpellent et on se demande si effectivement elles n'ont pas fait l'objet d'un lavage de cerveau. Mais en tout cas, la question des engagements, des idées de ces jeunes femmes, elle est relativement absente. L'image de la femme armée, soit elle est très très très effarante, etc. Mais soit on s'en empare pour en faire quelque chose de sexy. C'est Lara Croft, c'est toutes les figures de bombes en bikini avec une mitraillette. C'est-à-dire que c'est repris, effectivement, par un male gaze. Ça lui appartient pas. Donc elle est une femme fatale dans les deux sens du terme. Elle est dangereuse parce que jolie, parce que séduisante, et puis dangereuse parce qu'armée. On va mettre en scène cette femme, non pas à travers ses discours, puisqu'on ne les connaît pas, mais plutôt à travers son image, son corps, des commentaires sur son physique, qui rejoint aussi des mises en scène du corps de militantes révolutionnaires comme Gudrun Enslin pour la fraction Armée Rouge ou Joël Aubron pour Action Directe, où Paris Match publiera dans les années qui suivent l'affaire de Patricia Hearst, des photos de ces militantes dans leur intimité, parfois dénudées, avec des commentaires sur leur vie privée, ou en tout cas on a une mise en scène du corps assez manifeste et qui correspond aussi à la mise en scène parfois un peu érotisée, ou même carrément érotisée, qu'on retrouve des corps féminins dans la presse grand public dans les années 1970, qui correspond aussi d'ailleurs à l'explosion de la presse dite érotique ou pornographique. Alors, passons, vous êtes en cavale, vous allez même sur la côte est, et puis il y a des attaques de banque, etc. Et puis finalement, eh bien, vous êtes pris, le FBI vous arrête. Et votre premier geste quand le FBI vous arrête, eh bien, vous levez le poing, comme les révolutionnaires. Là, c'est quand même pas un geste préparé, c'est un geste instinctif. Pourquoi ? J'avais vu une photo d'une femme révolutionnaire qui avait été arrêtée et qui était restée dans mon esprit. C'est ce qu'on fait quand on est arrêté. Et puis j'ai fait le même geste, le geste que je croyais devoir faire quand on est arrêté et qu'on est membre de l'ALS. Maintenant, il y a cette photo de moi avec le poing levé. Il n'y a pas d'autre explication. L'image de Patricia Hearst avec une mitraillette est celle qui a le plus choqué parce que c'est perçu comme une inversion des représentations des schèmes dominants en France notamment, et c'est le cas dans d'autres pays. La définition de la citoyenneté politique, elle s'est construite à l'ère de la naissance de la démocratie en France, en tout cas de la fin de l'Ancien Régime, autour d'une citoyenneté en armes, c'est-à-dire « et citoyen, celui » qui porte les armes pour défendre son pays. Et en France, en 1793, donc la même année, les députés ont fait fermer les clubs politiques féminins ou mixtes, donc ont interdit aux femmes d'accéder aux espaces politiques, on leur a interdit d'être spectatrices dans les tribunes de l'Assemblée, donc on les a relayées en dehors de la sphère politique. Et la même année, on a aussi interdit aux femmes de participer aux armées. Et on a fait le lien, justement, ce fameux décret Amar de 1793, entre l'accès aux armes et le fait d'être citoyen. Donc, dans la construction ordinaire de la masculinité, l'homme c'est un citoyen, et c'est un citoyen parce qu'il a des droits politiques, mais aussi parce qu'il a des droits et des devoirs de défendre de son pays, et de ses droits et devoirs, les femmes sont exclues. Et ce modèle-là a fait des femmes, du point de vue du droit, des mineures, sur le plan politique et sur le plan civil, jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc c'est un modèle qui a duré et qui a nourri un ordre du genre, un ordre des sexes, qui est basé sur une séparation des espaces, la sphère publique, la violence du côté des hommes, et puis la sphère privée, la douceur, la famille, du côté des femmes. Et ce modèle-là, eh bien, il continue à nourrir les représentations. Donc c'est pour ça que ces femmes qui se retrouvent dans les rangs des organisations révolutionnaires armées, elles sont menaçantes, elles sont inquiétantes, parce qu'elles ne sont pas là où elles devraient être. Et ça a fait d'autant plus peur dans le cas de Patricia Hearst ou dans le cas d'autres femmes qui appartiennent à des milieux familiaux aisés, qu'elles apparaissent comme des femmes qui s'engagent contre les intérêts de la classe sociale dont elles sont issues. Donc c'est pour ça aussi qu'elles font doublement peur. I renounce my class privilege and I would never choose to live the rest of my life surrounded by pigs like the Hearsts. Il me semble que c'est le ton d'une personne convaincue et pas le ton d'une personne passive et qui subit et dont on a lavé le cerveau. Et ces enregistrements que j'ai écoutés me font la croire. Je pense que c'était un réel engagement. C'est vraiment une parole qu'on n'écoute pas, c'est-à-dire les médias, évidemment, ne l'écoutent pas parce qu'ils sont persuadés d'avoir la vérité. Son père ne l'écoute pas parce qu'il est persuadé que son cerveau est complètement captif. Sa mère l'a enterrée directement. Ah ben oui, s'habille en deuil quand votre fille est vivante, c'est spécial. Et c'est vrai que quand le roman est sorti, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Il a très vite été étudié en master. Et je suis allée dans une université et c'était beaucoup de jeunes filles qui sont venues. De l'âge de Patricia, ouais, juste au moment vraiment, où tu fermes. Et je ne pensais pas. Et c'était au moment de MeToo. Et les jeunes filles sont venues me voir en disant « c'est un vrai rapport avec MeToo ». C'est la parole d'une jeune fille qu'on n'écoute pas. Personne autour d'elle n'a envie de l'entendre. Les révolutionnaires non plus ne l'écoutent pas. Parce qu'elle est plus complexe. Elle n'est pas une copie d'eux. Elle dit des choses plus compliquées. Elle n'est plus qu'une voix dans la nuit, qui enregistre manifeste sur manifeste jusqu'à l'écœurement. Docile, elle bredouille la litanie des revendications. Fin de la cassette. Épuisée, elle retourne se terrer dans le placard. Allume, éteint le poste de radio, fume cigarette sur cigarette et découvre, au fil des revues indépendantes et des journaux de la presse libre, tout un monde à la lueur d'une lampe torche. Brésil, Chili, Philippines, Mozambique, tout un monde de violence dont elle ignorait jusqu'alors l'existence. Vous êtes étudiante, vous tombez amoureuse de votre professeur de mathématiques, vous allez vivre 3 ans avec lui. C'est d'ailleurs, vous vivez avec lui quand vous êtes kidnappée. Apostrophe, 1983. Ensuite, vous êtes enlevée par des terroristes et vous devenez vous-même terroriste. Puis ensuite, quand vous êtes libérée, on vous donne des gardes du corps, vous tombez amoureuse d'un des gardes du corps et vous l'épousez. Je remarque que 3 fois, vous vous livrez corps et âme à des gens que le hasard met sur votre chemin. L'un c'est un professeur, après c'est des terroristes et après c'est un garde du corps. Je me demande s'il ne manquait pas quand même beaucoup de personnalité. On lui demande de choisir, être relâché en zone sûre ou bien unir ses forces à l'armée du peuple. Elle a choisi de rester et de combattre. Séance photo, elle accepte le changement de nom, le changement de vie, le nouveau scénario. Pareillement, le béret et le pistolet automatique qu'on lui tend, le treillis militaire et les bottes commando qu'elle enfile comme une seconde peau, et qui font d'elle une sœur jumelle, une doublure face au miroir, un sosie en négatif, qui prend la pose et dégaine pour de faux. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est au moment où elle est enlevée, son père donne à ses propres journaux des photos d'elle à l'âge de 14 ans, habillée en communiante. Donc, il insiste sur le fait que les révolutionnaires enlèvent une jeune fille très pure, très innocente. Après, les révolutionnaires l'habillent en Che Guevara. Ensuite, au procès, ses parents lui mettent un rang de perles autour du cou, un chemisier de soie, pour resignifier qu'elle est une héritière, qu'il faut la traiter comme telle. Et puis, elle sort de prison en ouvrant sa veste sur ce t-shirt incroyable, pardonnez-moi. Donc, effectivement, il y a une sorte de tristesse à la voir sans arrêt redéfinie par les adultes. Elle a traversé quelque chose qui est complètement extraordinaire, surréaliste, à un moment donné. Je crois que c'est dans le procès où il y a un de ses avocats, je crois dans la plaidoirie finale, qui dit elle savait plus où était le rêve et la réalité à un moment donné. Et bien sûr que ça devient un personnage qui pour moi est très proche de l'univers d'Alice au pays des merveilles parce qu'on ne sait plus où on est en fait. C'est un monde inversé, on lui parle d'un monde qui lui échappe complètement, qui est le monde des dominés, des opprimés, et un monde qu'elle cherche à comprendre, elle analyse, on sait qu'elle a beaucoup lu quand elle a été otage, elle s'est montrée curieuse comme Alice. La stratégie d'Alice dans Alice au Pays des Merveilles, c'est d'utiliser le langage et de retourner ça face à ses interlocuteurs. Et je pense que Patricia se fait la même chose avec le groupe révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle essaye de discuter avec eux, elle essaye d'être en empathie presque. Et voilà, elle opère aussi des moments de stratégie dans cette prise d'otage qui va durer quand même un an et demi, deux ans, et elle est obligée. Et puis, au moment de son procès, eh bien là, elle retrouve cette position de la victime idéale qui a été enlevée par ses ravisseurs, comme si elle se réveillait d'un cauchemar. Et donc, elle apparaît comme une jeune femme en voie de rédemption. Et cette rédemption, eh bien, elle va être mise en scène à la fin des années 1970, notamment au moment du mariage de Patricia Hearst avec son garde du corps, puis ensuite avec la naissance de son premier enfant, dont la presse diffuse des photos avec ce titre notamment dans Paris Match en 1981, Patricia Hearst, de la mitraillette à la layette, tout est bien qui finit bien. Et donc il y a dans les commentaires qui accompagnent ces images un discours qui se satisfait de la remise en ordre sociale et de la remise en ordre du genre après une zone de turbulence en quelque sorte, donc où enfin elle renoue avec le destin qui était le sien et qu'elle n'aurait jamais dû quitter en quelque sorte. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'elle avait une vraie visibilité même en sortant de prison, donc sa parole aurait pu avoir un impact. La défense des plus pauvres, les inégalités en Californie. Après, il y a eu quand même cette histoire avec ce geôlier, donc alors quand elle est sortie de prison, elle n'était plus ni coupable ni victime, elle avait carrément le syndrome de Stockholm. Finalement, on a toujours et encore continué à parler pour elle. Enfin, ça devait être très compliqué, donc je comprends quand même cette volonté d'apaisement après cette histoire et de retrait. Et puis on a tellement voulu parler à sa place que à un moment c'est peut-être aussi découragé. Explain yourself. I can't explain myself, I'm afraid, sir, because I'm not myself, you see? C'est quoi? Donc c'est un extrait, effectivement, d'Alice au Pays des Merveilles, où on la somme de dire qui elle est, avec cette expression qui est très étrange, « explain yourself », s'expliquer soi-même ou se présenter soi-même. Et elle ne peut pas dire, elle est emprisonnée à la fois dans ses abus de langage, qui sont dans le Pays des Merveilles, qu'elle ne comprend pas, dans ses codes. Et en même temps, elle ne sait plus qui elle est parce qu'aussi elle est en train de vivre une aventure qu'elle ne comprend pas. Elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas si c'est le rêve, si c'est la réalité. Je ne sais plus qui je suis, je ne peux plus me définir, je n'ai plus d'identité. Expliquez-vous. Je ne peux pas m'expliquer. J'en ai bien peur, monsieur. Parce que je ne suis pas moi-même, vous voyez? C'est une histoire qui ressemble à une fiction. C'est une histoire qu'elle raconte de plein de façons différentes. C'est une histoire qui a plein de facettes. En quoi elle est exemplaire comme histoire qui gêne les adultes, parce qu'elle est devenue quand même une icône adolescente à l'époque. Il y avait des tas de gens qui l'adoraient, des tas d'ados américains qui étaient bouleversés parce qu'elle ruait dans les brancards. Et puis aussi de nous interroger sur qu'est-ce que c'est la liberté. Est-ce que c'est la liberté de faire partie de cette famille et d'être enterrée dans son destin de jeune fille qu'on va marier? C'était ça sa liberté? Je sais pas, j'ai pas de réponse. Elle a considéré à un moment donné, elle le dit dans le livre, d'ailleurs ça dans les phrases un peu étranges du livre, il y a « Je dois avouer que quand j'ai été enlevée, j'ai éprouvé un immense soulagement. » Alice au pays des merveilles, c'est l'histoire d'une jeune femme qui reprend du pouvoir sur les mots, sur les choses, sur les personnes qui ont une position dominante par rapport à elle. Je trouvais que le personnage de Patricia Hearst avait de ça dans son enlèvement, dans son enfermement. Elle a utilisé ça pour rester en vie, pour essayer de... Voilà. Après, jusqu'à quel point Alice croit au pays des merveilles, ça, je ne sais pas. Elle dit quelque chose de quand même extrêmement juste dans une des bandes. Elle répond à son père qui dit « Non, mais Patricia, elle a été influencée. » Et on lui a lavé le cerveau. Et Patricia, 19 ans au compteur, qui répond « Oui, papa, tu as raison. On m'a lavé le cerveau et c'est vous qui l'avez fait. C'est mon milieu. C'est les écoles privées dans lesquelles vous m'avez enfermée. » Et du coup, c'est une affaire qui renvoie au libre-arbitre. C'est une affaire qui renvoie à cette question abyssale qui est qu'est-ce qui nous appartient réellement comme choix? Qu'est-ce que moi j'ai choisi de ce que je suis? Qu'est-ce qui a été une influence très forte? Mais qu'est-ce qui est ma liberté en fait? Elle dit ça, elle décortique tout ce qui lui appartient en très très vite et elle dit ça c'est à moi, ça c'est à vous mes parents et je n'en veux plus. Donc voilà, ça va renvoyer à la notion de libre arbitre. C'est marrant, enfin c'est étrange parce que certains membres de la SLA ont dit après, elle était avec nous. Il n'y a aucune ambiguïté, elle était avec nous, elle était vraiment convertie. Et puis, il y a d'autres membres qui ont dit, quelques années après, on dit, elle nous a bien eus. Finalement, elle nous a bien eus. Moi, je pense qu'elle les a bien eus, quand même. Elle fait des choses extrêmement fortes pour se faire entendre. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui reste de ça? On dit, oui, mais Patricia Hearst, elle fait des concours de petits chiens. Mais Patricia Hearst, un jour... Elle a alerté sur ce qui lui brisait le cœur. Quand elle dit ce qui me rend. Je ne supporte pas votre indifférence aux pauvres. Elle répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Votre indifférence aux pauvres, c'est ça le coupable. Dans notre lecture, dans la lecture adulte, médiatique de l'affaire, il y a une incapacité à écouter plusieurs choses à la fois. Qui est de dire oui, elle a été enlevée. Oui, sans doute qu'elle a été influencée. Et oui, en même temps, comme elle le dit elle-même. Ça lui a ouvert des portes, ça lui a fait voir les choses autrement, et notre indifférence aux pauvres, elle la questionne. Elle a une analyse fine. Comme dans Alice au pays des merveilles, ça se clôt par le procès. Et après le procès, quand on dit oui, mais alors est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle est victime, est-ce que c'est le syndrome de Stockholm, etc. Elle montre aussi qu'elle est dans aucune de ces cases-là. C'est quelqu'un qui a été forcé à vivre une expérience traumatisante, de laquelle je pense elle s'est sortie de la meilleure des. Alors il restera toujours un mystère parce que de ces histoires-là, il reste toujours des mystères parce que c'est l'aventure qui est extraordinaire. Mais finalement, Patricia Hearst, elle fait son travail, quoi. Elle s'adapte, elle s'en sort, et elle vit, elle survit, elle se marie avec qui elle veut, et elle aime les caniches et le cinéma indépendant. Et finalement, je peux pas dire que c'est une fille ordinaire parce que c'est impossible, mais c'est quelqu'un qui finalement me paraît assez équilibré par rapport à ce qu'elle a vécu. C'est plutôt nous que ça interroge en miroir. Que Patricia Hearst elle-même. Merci à Gwen Michel de l'INA, Marie Pluchet de la documentation d'actualité, Emmanuel Boujou, Kate Benson, Christelle Le Polotech et Juliette Kahan. C'était Patricia Hearst, épisode 2, Caniche et mitraillette. Avec Lola Lafont, Jean-Marc Flao, Patricia Hearst, Fanny Bunion, Delphine Hamon. Mixage Bernard Laniel, prise de son Lucien Lefebvre, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Pauline Mocor et Véronique Samuilov. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour une nouvelle histoire où comment une passion peut devenir si dévorante qu'elle peut détruire une vie. Mais c'est une autre histoire.